Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous à propos de Big Boobs Buster. Pour ceux qui se poseraient la question, je porte ce chapeau pour me protéger des poissons qui risquent de tomber en cette période de l'année. Donc, Big Boobs Buster est un film de 1990 réalisé par Hisashi Watanabe. Écrit par Hisashi Watanabe et Koichiro Yasunaga avec Harumi Kai. Qu'est-ce qui m'a amené à voir ce film? Il y a quelque temps, l'algorithme YouTube m'avait proposé une entrevue d'un mec ayant participé à la diffusion d'animés aux États-Unis. J'ai vu que la chaîne publiant cette entrevue, Animego, propose plusieurs entrevues de ce type. Les ayant trouvées plutôt intéressantes, je me suis abonné à cette chaîne YouTube qui est avant tout promotionnelle d'une compagnie se spécialisant dans les Blu-ray et DVD d'animés et potentiellement autres japonaisetés. Puis, éventuellement, cette chaîne a proposé une courte vidéo portant le titre de ce film, qui en est bien sûr un trailer, avec ce nom et une miniature qui a piqué ma curiosité. Devant ce trailer, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Après avoir cherché un peu d'informations sur le web, ma curiosité allait en augmentant, mais le film, que ça ne semblait durer que 45 minutes, m'a un peu repoussé. En cherchant sur le web, j'ai aussi remarqué qu'il y a une suite. Si le Blu-ray aurait proposé les deux films, peut-être aurais-je été tenté, mais dans ce cas présent, non. J'ai tout de même fini par éventuellement voir le film autrement. Ce film est un direct ou vidéo que l'on appelle communément en parlant de la production japonaise en prise de vue réelle sous le nom de V-cinéma, connu pour une grande liberté de ton pouvant aller très loin dans le trash avec la violence et le cul. L'héroïne du film, une étudiante au secondaire ou collège si vous préférez, avoue ses sentiments au garçon qu'elle aime, qui la repousse car elle a une petite poitrine. Celle-ci va ensuite se costumer en super-héroïne en remplissant son soutien-gorge et en se grimant le visage autour des yeux afin de se venger en attaquant les filles de son école à forte poitrine pour ensuite faire un moule de leur poitrine qu'elle va collectionner. C'est clairement du grand n'importe quoi qui ne se prend pas au sérieux 5 secondes. Ce qui ne signifie pas que ce soit mal fait. La photographie est très réussie, le casting est généralement excellent et les musiques sont très bonnes, un tant soit peu qu'on apprécie la musique des années 80, ce film faisant très de son époque. Par contre, le trailer donne l'impression que le film est bien meilleur qu'il ne l'est. Si le film est parsemé de quelques moments fous et détails délirants tout au long de sa durée, il y a aussi pas mal de longueurs malgré la courte durée et le déroulement un peu étrange du scénario. Le premier affrontement de l'héroïne est un des meilleurs moments du film, avec un autre affrontement devant un témoin. Je suis vague pour ne pas spoiler. Ceux-ci sont suffisamment diversifiés pour conserver l'intérêt un certain temps, mais ne sont pas tous aussi excellents les uns que les autres, et surtout environ aux deux tiers, le film va dans une direction totalement différente. Ce n'est pas tellement une mauvaise chose, car à force, les combats auraient perdu leur intérêt, et ce qui se passe dans la dernière portion du film n'est pas nécessairement inintéressant, mais c'est beaucoup plus cliché, pas aussi excitant et vient pas mal de nulle part. Est-ce que le film est divertissant? Oh que oui! Mais est-ce qu'il est bon? Pas vraiment. Ça reste amusant, mais il y a beaucoup trop de longueur et le trailer est clairement meilleur que le film. On pourrait dire qu'il gâche pas mal le film car il en montre pas mal le meilleur, quoique bien sûr sans aucun contexte, et avec seulement de petits moments des scènes sympathiques, pas tout le détail des diverses scènes. Je donnerais donc un 2 sur 5 à Big Boobs Buster. Big Boobs Buster 2, réalisé par Toshio Kabayashi, écrit par Toyoto Kogizo Koichiro Yazunaga, qui met en vedette Isamu Apo, Megu Goto et Yuki Minowa. Il ne semble malheureusement pas y avoir de version traduite au niveau des sous-titres de ce film. Ce film n'est pas vraiment une suite du précédent. Il y a bien une Big Boobs Buster, mais ce n'est pas la même personne, portant un costume différent, une héroïne plus classique et sans un but, sans le but de sa prédécesseur. Deux filles, en suivant une collègue de la même école à forte poitrine, se retrouvent dans un autre monde où elles vivront diverses aventures. Il faudrait que je vérifie si c'est la même actrice, mais la camarade de classe fait penser à un personnage du premier film, seul vrai lien possible entre les deux. Après vérification, ça ne semble pas être le cas. Les créateurs de ce film ont visiblement vu House de Nobuhiko Obayashi. Comme ce dernier, ce film a une photographie et un montage un peu psychédélique avec des effets spéciaux par incrustation assez peu vraisemblables, donnant l'impression de photomontage, le tout avec une intrigue qui aurait pu avoir été créée par des enfants. Par contre, ils n'ont pas le talent de l'équipe de House, ni même du premier Big Boobs Buster, ce qui ne signifie pas que ce soit mauvais, mais la photographie, la mise en scène, le jeu des acteurs et la musique font relativement amateur, du moins en comparaison. Cela cadre, il me semble, assez bien avec ce que semble faire ce film, mais ce n'est pas du grand cinéma. House n'est clairement pas la seule inspiration de ce film. Bien plus que le premier Big Boobs Buster, on se retrouve pas mal dans le monde des tokusatsu, films à effets spéciaux, comme les Super Sentai, les Power Rangers japonais, mais en moins sérieux et plus absurde. Danger! l'univers Sentai, ce n'est pas exactement sérieux, mais ici, c'est bien plus fou. Si l'intrigue de ce film a pu être inspirée par des enfants et on est relativement dans le monde des tokusatsu, ce film ne s'adresse pas vraiment à un public d'enfants, quoique ce pourrait très certainement être un public de grands enfants, tels que moi. Le film est clairement divertissement. Le film est clairement divertissant, avec une suite de nombreuses séquences absolument ridicules de manière hilarante, mais à certains moments me semblent tomber à plat, le tout fait par moments un peu trop amateur et surtout, puisque je ne comprends aucun des dialogues, il y a clairement des longueurs, du moins pour moi qui ne comprends pas le japonais. Cela reste donc à mon avis plutôt moyen, mais un film moyen amusant, peut-être plus que le premier, même s'il est clairement moins bien fait techniquement. Donc, selon moi, le deuxième Big Boobs Buster se mérite aussi un 2 sur 5. Au revoir et à bientôt.